Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire Winston Churchill, le Churchill de l'avant Deuxième Guerre mondiale. Français, c'est moi, Churchill, qui vous parle. Cette nuit, je m'adresse à vous dans tous vos foyers, partout où le sort vous a conduit. Et je répète la prière qui entourait vos louis d'or. Dieu protège la France. Churchill s'adressant aux Français en octobre 1940, ce Churchill de la Deuxième Guerre mondiale, ce Churchill aux côtés des Français durant l'occupation, ce Churchill-là, on le connaît. Mais en 1940, Churchill a déjà une très longue carrière politique derrière lui. Le Churchill d'avant la Deuxième Guerre mondiale, on le connaît beaucoup moins. C'est ce Churchill-là que je vous propose de découvrir dans ce numéro d'Aujourd'hui l'Histoire. Je l'ai rencontré quand j'étais toute jeune, quand j'avais 19 ans. Et j'ai rencontré ce jeune homme, je crois qu'il était en les trentaines, à un dîner où je me trouvais assise auprès de lui. Je l'ai écouté, pas seulement pendant le dîner, mais pendant toute la soirée. Je l'ai écouté ébloui et fasciné. Son imagination, son éloquence, son choix de paroles, sa, dites-vous, vitalité, sa, une espèce de flamme de vie. Et quand je suis retournée à la maison, j'ai couru en haut de l'escalier, 4 à 4, et je me suis précipitée dans la chambre à coucher de mon père, à qui j'allais toujours dire bonsoir et raconter les aventures de ma journée. Et je lui ai dit, pour la première fois de ma vie, j'ai vu le génie. Lui était un peu intrigué et amusé. Il a dit, mais qui donc était-ce, votre génie? Et je lui ai dit, c'était Winston Churchill. La femme politique britannique Lady Violet Bonham Carter, fille de l'ex-premier ministre britannique Henry Asquith et grand-mère de l'actrice Helena Bonham Carter, qui décrit sa rencontre avec Churchill vers 1906 dans cette entrevue qui a été diffusée en 1965, pour nous raconter ce géant que sera Winston Churchill, l'historien André Champagne. André, bonjour. Oui, bonjour, Jacques Beauchamp. Parlez-nous d'abord de l'homme. Quel homme, quel personnage? C'est un personnage politique britannique victorien. Winston Churchill incarne cette Angleterre victorienne, cette Angleterre de la fin du 19e siècle. Impériale, qui dominait le monde et qui rayonnait de tous ses feux. Et il appartient à cette grande famille aristocratique, là, descendant des Marlborough, des Churchill. Il se croyait jeune homme destiné à occuper une place importante dans l'histoire britannique. Pourquoi? Parce qu'il va mourir jeune. Pourquoi? Parce que son père est malheureusement décédé à l'âge de 45 ans, à la suite de la syphilis. Et c'est un homme qui croyait ne pas avoir vraiment un grand espace de temps à vivre et qui, étant donné le manque d'affection qu'il a reçu de son père et de sa mère, parce que c'est sa mère Jenny Jerome, une Américaine, c'était une grande mondaine. Son père, c'était un politicien qui était également un mondain. Donc, ils ne se sont pas vraiment occupés de leur fils. Conséquemment, c'est un homme qui a manqué d'affection et qui, toute sa vie, a essayé d'impressionner ses parents, son entourage et la société britannique. Donc, on peut le dire que pour lui, la carrière militaire, la carrière politique, c'était une façon vraiment de montrer de quoi il était capable. Et cet homme-là, ce sera son drame. C'est un homme qui a grandi dans l'idée de l'Angleterre impériale, de cette grande Angleterre victorienne, et qui assistera malheureusement au déclin de l'Empire britannique. Sir Winston naquit le 30 novembre 1874 au château de Blenheim, près de Woodstock, dans l'Oxfordshire. Il était le fils de Lord Randolph Henry Spencer Churchill, lui-même troisième fils du 7e duc de Marlborough. Lord Randolph avait été chancelier de l'échiquier en 1886 et leader conservateur de la Chambre des communes dans le gouvernement de Lord Salisbury. la mère du regretté Premier ministre britannique était née Jenny Jerome, fille de Leonard Jerome, ex-propriétaire du New York Times. Elle était américaine de naissance. Extrait d'une émission diffusée à la mort de Churchill en 1965. On comprend bien d'où il vient, Churchill, en écoutant cet extrait, André Champagne. Et ses origines mixtes de Churchill, cette aristocratie par son père, aristocratie britannique, sa mère américaine, c'est important. Ça va le suivre toute sa vie. Ça va le suivre parce qu'il croira, lui, à une grande alliance des peuples anglo-saxons. Oui. Pour lui, la Grande-Bretagne et les États-Unis ont un destin commun. L'axe Atlantique. L'axe Atlantique. Et il croit que ces deux pays-là doivent dominer le monde, doivent vraiment dominer le monde par leur réussite économique, mais également parce qu'ils sont tous les deux des pays de tradition démocratique. Donc, ce sont deux pays modèles. Et étant donné les difficultés que rencontre l'Angleterre, surtout après la Première Guerre mondiale, c'est sûr que cette idée d'alliance avec les États-Unis, évidemment, ça ne peut qu'aider au maintien du rayonnement de la Grande-Bretagne. Alors, revenons sur ces années de jeunesse. Vous disiez déjà un enfant un peu laissé à lui-même qui souffrira de ce manque d'affection. Racontez-nous cette jeunesse. On peut dire d'abord que c'est pas un écolier particulièrement brillant. Non, c'est-à-dire que c'est un rêveur. C'est un jeune enfant qui est fasciné par la carrière militaire, qui collectionne... Très jeune, qui collectionne les soldats de plomb. C'est un jeune qui aime la littérature d'aventure, la littérature épique, qui a une passion pour l'histoire, mais qui déteste les mathématiques, qui déteste le latin, à une époque où le système scolaire, les public schools anglais, les écoles privées anglaises privilégiaient, mettaient l'accent justement sur l'enseignement du latin. C'est un jeune homme qui n'aimait pas le par cœur et qui avait l'esprit vagabond, l'esprit rêveur et qui, évidemment, avait beaucoup de difficultés à se concentrer en classe, tant et si bien qu'il n'a jamais pu entrer ni à Oxford ni à Cambridge. Alors, étant donné ses résultats décevants à cette école privée Harrow, qui préparait justement ces deux grandes universités-là, alors il a opté pour la carrière militaire. Et puis, donc, il a été admis à l'Académie militaire de Sandhurst. Il a pour devenir un officier de cavalerie. Il est devenu un officier de cavalerie. Donc, il va servir aux Indes. Mais ce qui est assez intéressant, c'est qu'en 1895, il obtient une espèce de contrat pour aller couvrir les troubles qui se déroulent à Cuba entre le colonisateur espagnol et le mouvement national cubain. Et puis, il assiste à des affrontements entre les rebelles cubains et puis l'armée espagnole. Et il en tire des articles qu'ils font connaître. Et là, il découvre qu'il a un certain talent pour l'écriture journalistique et pour l'écriture de récits de guerre. Et résultat, quand il sera en poste en Inde, en 1897, il participera à une opération de type de pacification contre des tribus rebelles afghanes à l'extrémité nord-est de l'Inde. Et il va également en tirer des articles publiés dans les journaux, il va en tirer des livres. Et finalement, cette quête de gloire militaire-là va vraiment se concrétiser lors de la bataille d'Omdurman au Soudan en 1898, quand l'armée de Kitchener va écraser les rebelles Dervish qui avaient massacré Gordon et son armée en 1890. Et là, lors de cette bataille d'Omdurman-là, Churchill participe au combat, vraiment affronte les cavaliers de Dervish au front, il tire au pistolet, les lances volent au-dessus de sa tête et il est remarqué pour son courage. Et là également, il en tire des articles pour des journaux britanniques et un livre qui connaît beaucoup de succès. Et puis finalement, la consécration survient en 1899. Guerre des Boers, il est correspondant de guerre il est vraiment correspondant de guerre. Il n'officie pas comme soldat de l'armée britannique, mais un incident lors d'un déraillement d'un train, donc il se doit de participer à un combat. Il est fait prisonnier par les Boers et puis il réussit miraculeusement à s'évader. Il retourne en Pretoria. Et ce qui est assez hallucinant, c'est qu'il va en faire un récit qui va devenir un best-seller. Et cette évasion-là fait de Churchill un héros et ça lui permet de se faire élire député conservateur en 1900. Voilà, parce que c'est ses qualités d'écriture. Bien sûr, il a eu cette carrière militaire. Vous le disiez, il est passionné très jeune par la question militaire. Mais c'est son talent de communicateur. Oui, tout à fait. Et ça, on va le retrouver évidemment tout au cours de sa vie, qui va le faire connaître, qui va donc lui permettre de devenir député en 1900. Exactement. Et son courage. Et puis aussi, qu'on le veuille ou non, c'est un homme qui a un charisme hallucinant. C'est un homme qui dégage quelque chose. Et il fascine l'establishment anglais et Vraiment, la population britannique en général. Et il écrira beaucoup, beaucoup. Il aura même, on y reviendra éventuellement, le Nobel de littérature en 53. 1900, son début en politique. Un parcours politique, André, on écoute un premier extrait, mais un parcours politique assez dur à suivre, passez-moi l'expression, surtout chez le jeune Churchill. Il est conservateur d'abord. Il va passer très vite parce qu'indiscipliné. Il va passer très vite chez les libéraux. Il va revenir ensuite chez les conservateurs. Le Churchill qu'on entend tout de suite, c'est celui de 1909. Il est donc passé chez les libéraux. C'est un extrait intéressant pour deux raisons. C'est probablement le premier extrait, le premier enregistrement connu de Churchill. Et c'est aussi intéressant, puis de ça on en parle tout de suite après l'avoir entendu cet extrait, parce qu'on entend là le Churchill, écoutez, presque social-démocrate. We are in the budget of this year appealing to the patriotism and sense of justice of our countrymen to meet our national necessities. Nous faisons appel dans ce budget au patriotisme et au sens du devoir de nos concitoyens pour répondre aux besoins de la nation. Ces besoins ne sont pas le résultat de dépenses extravagantes. Les principes et les engagements de ce gouvernement libéral depuis 4 ans ont été de réduire la dette nationale et de s'opposer à la création de nouvelles dettes tout en refusant de taxer les produits de première nécessité. À ce qu'on vient d'entendre, c'est le Churchill de 1909. Il y a, il faut le dire, à ce moment-là, ce qu'on appelle le People's Budget, le budget du peuple. Les libéraux sont au pouvoir. Ça va conduire le pays, ce budget-là, où on taxe les riches, ça va conduire le pays en crise. Mais racontez-nous d'abord un peu le contexte, puis on reviendra à ce Churchill progressiste. Bon, en 1900, il est élu sous la bannière conservatrice. En 1904, vous l'avez dit, il traverse le plancher du Parlement et décide de siéger comme député libéral. Fortement influencé par un futur premier ministre, David Lloyd George, un Gallois qui lui-même est progressiste et qui fait découvrir à Churchill la misère des quartiers ouvriers. Parce que Churchill, ce grand aristocrate, n'était pas vraiment familier avec la classe ouvrière anglaise. Et sous l'influence de Lloyd George, il va découvrir la misère qui règne un peu partout en Angleterre. Donc, ça le conscientise. Et Churchill va devenir un partisan de la réforme sociale pour une simple et très simple raison, c'est qu'il y a un nouveau parti qui est en train d'émerger, le Parti travailliste. Mm-hmm. Et Churchill se dit que si on veut barrer la route aux travaillistes, parce que pour lui, le Parti travailliste, éventuellement, ça pourrait devenir un parti socialiste, que la meilleure façon de barrer la route aux socialistes, anticommunistes, c'est ça, toute sa vie, il sera comme ça. Et pour lui, le Parti libéral doit devenir le parti de la réforme sociale. Et il emploie l'expression tuer le socialisme par la bonté. Kill socialism by kindness. Alors, pour lui, le Parti libéral doit donc tenir compte des intérêts de la classe ouvrière, il doit œuvrer pour créer des bureaux de placement pour les chômeurs. Churchill va lutter contre le travail à la pièce qu'on appelle le sweating system qui permettait l'exploitation systématique des jeunes filles et des femmes qui travaillent dans l'industrie du textile. Il va essayer de œuvrer pour développer, éventuellement un programme d'assurance maladie puis d'assurance sociale. Donc, dans cette phase-là de sa carrière politique, c'est un grand réformateur. Et il va même lutter farouchement contre les privilèges de la House of Lords, qui défend toujours les intérêts des aristocrates, qui bloque systématiquement depuis des décennies tous les projets de réforme sociale. Donc, Churchill va devenir non seulement un réformateur social, mais il va devenir un propre traître à sa classe sociale. Et ce People's Budget-là, justement, c'est un budget, justement, qui allait dans ce sens-là, dans le sens d'améliorer la condition de la classe ouvrière, la condition des pauvres. À titre également de secrétaire de l'Intérieur, il va œuvrer pour réduire le nombre de détenus dans les prisons. Et il va réduire le nombre de détenus dans les prisons en l'espace de 2 ans de près de 185 000 à 38 000. Pourquoi? Parce qu'en Angleterre, à l'époque, on pouvait emprisonner quelqu'un pour dette non payée, pour alcoolisme. Il a cité un cas d'un jeune adolescent qui avait été condamné à 7 ans de prison pour le simple vol d'un morceau de morue sur un marché. Incroyable. On ne peut pas passer sous silence cet épisode qui sera très, très important. Donc, il est en politique. Il occupera, au cours de ses années en politique, tout plein de ministères. C'est assez incroyable. Le militaire en lui est toujours présent. Première guerre mondiale. Oui. Il devient donc premier lord de l'amirauté, ministre de la Défense. Ça va être important parce que politiquement, pour lui, il y aura une opération, une expédition, celle des Dardanelles, qui devient pour lui un échec politique important. Oui, et pourtant les Dardanelles, au départ, c'était une bonne idée. Bon, il est premier lord de l'amirauté depuis 1911. La force de la Grande-Bretagne, c'est la Royal Navy depuis des siècles, donc c'est un poste extrêmement important. Et ce qu'il constate, lui, dès l'été et l'automne de 1914, c'est que le front ouest, c'est une boucherie, le front s'est stabilisé à l'automne. Et la seule façon d'essayer de débloquer cette situation, ce serait tout simplement d'organiser une expédition à la fois navale et terrestre contre la Turquie, c'est-à-dire forcer les détroits des Dardanelles et éventuellement du Bosphore, s'emparer d'Istanbul, et puis vraiment permettre à la Russie de continuer à cheminer son blé vers l'Europe de l'Ouest et aussi et libérer les détroits. Mais aussi, c'était d'ouvrir cette espèce de second front. Ouais. Le problème, c'est que il y aura de l'opposition du commandant-chef de l'armée britannique, le général Kitchener, qui ne voudra pas acheminer les troupes terrestres nécessaires. L'expédition navale qui va se dérouler en mars va échouer lamentablement. Et évidemment, étant donné qu'il est le premier lord de l'amirauté, étant donné que c'est lui qui a été le premier à parler de ce projet-là, il sera blâmé sévèrement. Et en mai 1915, le premier ministre Asquith lui demande de se retirer du cabinet. Et la presse britannique va le condamner. Cependant, il y aura une commission d'enquête du Parlement sur l'opération des Dardanelles et le rapport remis au début de 1917 démontrera que Churchill n'est pas responsable et que Churchill, dès le départ, avait proposé une opération à la fois terrestre et navale. Ouais. Mais ça va le suivre. Pourquoi? Parce que jusqu'en 1940, les députés d'opposition vont toujours lui reprocher l'échec des Dardanelles. Ouais, dur coup. Ça, c'est un premier très, très, très dur coup pour lui. On fait un petit saut dans le temps pour un deuxième dur coup pour lui et on parlait du communicateur tout à l'heure, une formule extraordinaire. En 1922, les libéraux sont défaits. Churchill perd son poste de député. Et là, il a vraiment, André, racontez-nous, mais une phrase extraordinaire. Une réflexion extraordinaire. Ça, c'est du grand Churchill. Alors, il dit ceci. Pour la première fois, je me trouve sans siège, sans emploi, sans parti et sans appendice. Parce qu'il venait de... Il avait été victime d'une appendicite. Ouais. Il a tout perdu. Et pendant 2 ans, donc, il n'est pas député, il n'est pas ministre, rien. Alors, il revient en 1924 sous la bannière conservatrice. Mm-hmm. Et là, on lui donne le poste, le premier ministre Baldwin lui donne un poste important. C'est-à-dire, il est le chancelier de l'échiquier. Ministre des Finances. Et Churchill, vraiment, il va pas se distinguer particulièrement dans ce rôle-là parce qu'il n'a pas de... Il va le reconnaître lui-même. Il va dire que c'est le pire ministère qu'il a dirigé. C'est sa plus grande catastrophe. Après tout, il n'aimait pas les mathématiques, vous nous l'avez dit. Non, exactement. Alors, il a dit ceci. On dit que j'étais le plus mauvais chancelier de l'histoire. On avait raison. Alors donc, pendant qu'il est chancelier de l'échiquier, il y a la fameuse grève générale de 1926, qui est une grève qui a été déclenchée par le syndicat des mineurs. Pourquoi? Parce qu'on avait réduit leur salaire, on avait augmenté leur journée de travail. Donc, par solidarité, tous les grands syndicats se mettent en grève. Et Churchill, lui, pour lui, c'est inadmissible que l'économie britannique, que la Grande-Bretagne soit paralysée. Alors, pour lui, il décide tout simplement de gérer ce dossier-là comme si l'Angleterre était en guerre. Nous sommes en guerre. Ouais. Et il va diriger, il va devenir le rédacteur en chef d'un journal qui va s'appeler le People's Journal, qui va tirer à 3 millions d'exemplaires pour informer la population britannique de ce qui se passe vraiment en Angleterre. Ouais. Et l'objectif de ce journal-là, c'est de discréditer les syndicats puis la grève générale. Soit dit en passant, cette grève-là ne dure que 9 jours, mais les mineurs resteront en grève pendant pratiquement la moitié de l'année. Et ça, c'est fascinant, André, parce que ça nous montre, encore une fois, c'est une carrière politique très, très, très longue qui s'échelonne sur des décennies. Il passe, donc il est vire-capot, comme on dirait au Québec, il passe des conservateurs aux libéraux, il revient aux conservateurs. Et surtout, écoutez, il y a quelques minutes, on parlait du social-démocrate avec le People's Budget. Là, il est en guerre ouverte comme ministre des Finances contre les syndicats. Oui, pourquoi? C'est le même homme. Parce que pour lui, les syndicats sont d'autant plus dangereux, étant donné qu'il y a eu la révolution de 1917, il y a eu la révolution bolchevique. Et pour Churchill, le bolcheviste, le communiste, c'est un péril mortel contre l'Europe, contre la Grande-Bretagne, contre les économies, contre les économies de marché. Pour lui, les syndicats sont trop puissants et ils ne tiennent pas compte vraiment des intérêts de l'ensemble de la population britannique. Bon, 1929, les travaillistes reviennent au pouvoir. Donc, Churchill, encore une fois, perd son poste de député. Et là, il va se retrouver vraiment à l'extérieur de l'arène politique, une décennie à peu près? Une décennie, mais il est en partie responsable de son sort. Pourquoi? Parce qu'au début des années 30, il y a ce débat dans la classe politique britannique à propos de l'avenir de l'Inde. Le gouvernement travailliste veut accorder l'autonomie interne à la Grande-Bretagne. Et pour Churchill, il n'y en est pas question. Pour lui, la prospérité de l'Empire britannique, la force de la Grande-Bretagne repose sur le maintien de la domination britannique sur l'Inde. L'impérialisme dont vous parliez. Tout à fait. Et pour lui, il n'est pas question d'accorder l'autonomie interne. Donc, il se discrédite considérablement parce que les politiciens lucides se rendent bien compte que tôt ou tard, les Anglais devront se retirer de l'Inde. C'est inévitable. Mais Churchill, lui, croit que en se faisant le champion de la domination britannique en Inde, il croit pouvoir reprendre la direction du Parti conservateur. C'est pas du tout ce qui va se produire. Et l'autre erreur qu'il va faire, c'est lors de la crise dynastique. Quand Édouard VIII annonce qu'il va épouser la roturière américaine, en plus de ça, divorcée, Wallis Simpson, il se discrédite complètement. Pourquoi? Parce que son soutien à Édouard VIII est perçu comme une espèce de volonté de Churchill de reprendre la direction du Parti conservateur avec l'appui du roi Édouard VIII. Donc, c'est vu comme une manœuvre totalement ambitieuse, pas du tout désintéressée. Et à partir du moment où on saura que Édouard VIII et son épouse avaient des accointances avec l'Allemagne nazie. Pourquoi? Parce que Wallis Simpson a été la maîtresse de Joachim von Ribbentrop. Puis les faits démontreront qu'éventuellement qu'Édouard VIII et Wallis Simpson ont donné de l'information aux Allemands sur la ligne Maginot en France. Donc, ça le discrédite. Et à la fin des années 30, on le voit, il est perçu comme un politicien fini. Ouais. Mais il va revenir, en fait, il revient en 39 avec la déclaration de guerre de la Grande-Bretagne et de la France à l'Allemagne. 3 septembre 39, c'est le retour de Churchill. Il va devenir à nouveau ministre de la Défense. Oui, et c'est intéressant. Pourquoi? Parce que lui, depuis que Hitler est chancelier en janvier 1933, il ne cesse d'avertir le Parlement, la classe politique britannique et l'Europe que Hitler constitue une menace et qu'avec Hitler, chancelier de l'Allemagne, la guerre est inévitable. Et tout au long des années 30, il dénonce les programmes de réarmement allemand. Pourquoi? Parce qu'il a de l'information de l'intérieur aux fonctionnaires du ministère de l'Air. Il a de l'information également d'un fonctionnaire qui travaille sur le dossier Europe de l'Est. Et il va sortir tous les chiffres sur le réarmement allemand et le manque de préparation de la Grande-Bretagne. Et ce qui est assez intéressant, c'est que le premier ministre Stanley Baldwin avait fait la remarque suivante en 1935. Il avait dit ceci, et je cite, « Au cas où une guerre viendrait à éclater, et rien ne permet de dire que cela n'arrivera pas, il faut que nous le gardions en réserve pour qu'il soit notre premier ministre de guerre. Oui. 1935. Et c'est ce qui va relancer, ce sera l'occasion d'une autre émission, André Champagne, c'est ce qui va relancer la carrière de Churchill, le Churchill qu'on connaît mieux, le Churchill de la Deuxième Guerre mondiale. Merci beaucoup, André. Je vous en prie. Merci. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis... À la prochaine.